Vous pensez que Canadian Tire, ce sont les outils ou la quincaillerie? Mais on a aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bas prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca, 418-276-2385. Le propriétaire Ken Bennett félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui sont offerts dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169, Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour voir nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe félicitent Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. De Chicoutimi, les Saguenayens qui ont joué en fin de semaine 3 matchs. Ça n'a pas été nécessairement facile. Il y a également le dossier du centre Georges Vézina qui continue à faire jaser. On parle avec notre collaborateur du journal Le Quotidien, Jonathan Hudon. Salut Jonathan. Oui, salut Danny. Jonathan, ça n'a pas été... c'est pas facile de jouer 3 matchs. Hein? Non, effectivement, c'est jamais facile. Là, même peu importe contre qui tu joues lors de 3 matchs en 3 soirs. Et encore pire, là, les Saguenayens ont affronté... deux bonnes machines de hockey, là, samedi contre les Remparts, samedi contre les Remparts, dimanche contre les Tigres, deux matchs sur la route en plus, donc non, c'est jamais évident là, de jouer 3 matchs en 3 soirs, encore moins contre des bonnes formations, donc les Saguenayens, là, on sait, ont une jeune équipe, une équipe là, un petit peu en reconstruction, donc on a appris à la dure en 20 semaines. Ben oui, effectivement, contre Victoriaville non plus, ça n'a pas été, écoute, le match était présenté à TVA Sports, on a pu voir un peu le match. Écoute, là, surtout que le troisième match, c'est toujours le plus difficile. Oui, exact. Puis, tu sais, les Saguenay jouent pas 60 mauvaises minutes de hockey, mais leurs moments où ils sont plus difficiles, ils en paient le prix. Là, ils accordent toujours 2 ou 3 buts. À la moindre erreur est coûteuse qu'ont des équipes comme les Remparts et les Tigres, qui ont des équipes avec des bonnes machines offensives. Donc, c'est sûr que ça n'a jamais... Ça a pas roulé du bon bord là, pour les Saguenayens qui ont subi 2 défaites assez cuisantes, le 8-2 samedi à Québec, 7-1 le lendemain contre Victoriaville. Mais 2 matchs un petit peu pareils, hein, les gens qui ont pu le voir un match à TVA Sport dimanche contre Victoriaville, là, puis samedi, ça s'est passé un petit peu la même chose. Les Saguenayens samedi à Québec, le tiré de l'arrière a peut-être 1-2-0, puis on frappe un poteau, ça devient 3-0. Là, fait que c'est souvent des chances ratées comme ça qui termine là, en chance de marquer de l'autre équipe, puis eux, ben, ils la mettent dedans, ils n'ont pas besoin des bonnes équipes, ils n'ont pas besoin de 10 chances de marquer pour enfiler l'aiguille, alors que les Saguenayens, c'est ça en prend 5, 6, 7 avant de la mettre dedans, puis encore là, des fois, c'est rien d'assuré, donc c'est sûr que c'est une fin de semaine un petit peu difficile pour les Saguenayens, mais c'est correct, on apprend, ça fait partie de l'apprentissage, on est allé chercher quand même 2 grosses victoires là, la semaine dernière, mardi passé, Shawinigan. Des victoires en prolongation, certes, là, mais c'est quand même 2 gros points contre Shawinigan mardi, Val d'Or vendredi. Des équipes que tu dois battre, puis les Saguenay ont rapporté des victoires. Donc, c'est le point positif, là, peut-être, de ces 7 derniers jours-là. Ouais. Là, c'est quoi qui reste, là, je veux dire, actuellement? Je veux dire, c'est l'évaluation des jeunes encore un peu à l'image du Canadien? Ouais, exactement. On continue d'évaluer des joueurs qui sont un petit peu en audition pour la saison prochaine. Des joueurs qu'on voit un petit peu plus là, dernièrement, Samuel Wood qui prend du galon. Le jeune a quand même 17 ans, faut pas l'oublier. On espère toujours on s'attend toujours de beaucoup là, de ces jeunes-là, d'un choix de première ronde en 2016. L'an dernier, c'est sa première saison, n'a pas joué énormément, même si il a joué tous les matchs des séries, mais il n'a pas joué beaucoup là. Quand même à son année recrue de 16 ans. Là, cette année, son année de 17 ans. Un joueur là, qui prend de plus en plus de place. Puis il fait bien. Là, il est utilisé à outrance. Donc ça, c'est bénéfique pour le jeune en vue de sa confiance. Surtout qu'il fait du bon travail. Un gars comme Mathieu Legagné également, qui fait lui aussi du bon boulot. Et de plus en plus, tu sais, on commence à lui faire confiance. Puis c'est peut-être pas juste la confiance, c'est aussi commence à trouver son rythme. Le jeune là, a besoin de... Lui, c'est un marqueur, là, un marqueur né, donc il a besoin d'une certaine confiance, c'est certain, pour pouvoir être efficace. puis on voit que la confiance offensive est là pour Mathieu de Gagnant. En tout cas, ça s'en vient. C'est un bon processus. C'est ça. Comme tu dis, là, c'est des évaluations qui se poursuivent pour les jeunes. Jérémy Groslo, seulement 18 ans, qui joue énormément aussi, là, a vraiment pris la place de leader défensif là, depuis le départ d'Olivier Galipeau. Fait que c'est ça, c'est des... Il y a des signes encourageants, il y a des signes un petit peu plus, ben, pas des signes négatifs, mais plus des petits points d'interrogation ici et là, mais somme toute, là, ça se passe, je pense que Yannick Jost, si je pose la question, ça se passe pas mal comme il veut, là, tu sais, c'est sûr que il y a des petits creux de vague pendant les matchs qui, peut-être, qui font pas pleinement son affaire, mais tu sais, l'apprentissage se poursuit, puis c'est ça, là on sait très bien que c'est pas cette année que ça se passe, donc je pense que les jeunes sur qui il va compter la saison prochaine, dans 2 ans, ben je pense qu'ils font travail. OK. Si on parlait maintenant de l'article qui est sorti dans le quotidien ce matin, Louis Tremblay suit pas mal le dossier de près. Depuis 2013, qu'on apprend que la toiture était dangereuse. C'est quoi qu'on retire de ça? Ben, c'est complètement... c'est gros, là, quand même, si... Tu sais, ce que Louis a sorti ce matin, là, tu sais, c'est écrit que Jean Tremblay était au courant de ce dossier-là. Donc, si tel est bien le cas, c'est inquiétant, là, d'entendre, de lire des choses du genre. C'est sûr que si... La toiture, on sait depuis un certain temps qu'elle est fragile, là, qu'on en parle depuis qu'on fait nos chroniques, depuis peut-être un mois, on en parle, qu'on sait depuis un certain temps que la toiture est fragile, est fragilisée, elle ne peut pas tolérer énormément de poids. Mais là, d'apprendre ça qu'elle était en surcharge, là, dangereuse surcharge, là, c'est quand même assez inquiétant. Donc, on peut se poser la question, est-ce que, tu sais, Louis, là, commençait son texte en disant que les jours du centre Georges Vézina est à compter, donc dans son état actuel, bien entendu, là, donc quelle est la suite des choses, il serait à la lumière de ce qu'on peut lire, il serait surprenant que les Saguenayens retrouvent leur domicile d'ici la fin de la saison. Puis ça, c'est pas une situation idéale non plus pour personne. Puis à partir de maintenant, les élus là, devront s'asseoir puis rapidement, là, ils devront régler le dossier le plus tôt possible, là, parce que ça peut pas continuer comme ça, là. En plus que c'est le plus gros amphithéâtre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas juste, on parle beaucoup de Chicoutimi, de Jonquière. Non, c'est tout le lac aussi, ça fait. Ben oui, c'est le plus gros amphithéâtre de toute la région. Donc, faut arrêter de dire, là, que ça se passe à Chicoutimi, ou que ça se passe à Jonquière, ou que ça se passe au Costco, ou que ça se passe au centre-ville de Chicoutimi. C'est tout un amphithéâtre d'une région complète, là, qu'il faut prendre en main le plus rapidement possible. Là. Je pense que ça a déjà assez tardé. Oui, effectivement. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au cours des prochains jours. Je pense que ce que Louis Tremblay a sorti, là, c'est inquiétant, effectivement. Jonathan, ça fait pas mal de tour pour cette semaine. On s'en parle mardi prochain? Oui, absolument. Les Saguenayens qui affrontent l'Océanique de Rimouski, là, mercredi soir, demain. Et Alexis Lafrenière. Oui, exactement. Je pense qu'il s'il n'est pas rendu à 40 buts, le jeune de 16 ans, c'est pas loin. Donc, il s'en va à peine de venir jouer. C'est tout un joueur de hockey, puis une belle maturité physique déjà dans son cas. Donc, les gens là qui veulent se déplacer demain au Palais des Sports, je les encourage fortement, parce qu'Alexis Lafrenière, c'est quand même un phénomène. C'est un phénomène. C'est probablement le meilleur joueur depuis Vincent. Peut-être pas Vincent Lecavalier, mais depuis Crosby qui a passé dans la Ligue Jean-Marie du Québec. Ouais, exactement. Là, un joueur qui attire les foules, ben, peut-être pas autant que Sidney Crosby, on s'entend, là, parce qu'on se rappelle que dans le temps de Sidney Crosby, il remplissait l'aréna, là, de chaque ville, mais c'est ça, là, Alexis Lafrenière, il vaut la peine, il vaut le déplacement, honnêtement, et c'est un joueur spectaculaire. Il a pas l'air d'avoir 16 ans, honnêtement, là, c'est déjà un bon physique, puis déjà assez mature physiquement. Non, ça devrait être tout un joueur de hockey, là, dans le futur. Une belle carrière. Jonathan Hudon, merci beaucoup. On se parle mardi prochain. Ouais, avec plaisir, Danny. C'était la chronique des Saguenay-Chicoutimi avec Jonathan.